Michée chapitre 2. Malheur à ceux qui pensent à faire outrage, qui forgent le mal sur leur lit, et qui l'exécutent dès le point du jour, parce qu'ils ont le pouvoir en main. S'ils convoitent des possessions, ils les ont aussitôt ravies, et s'ils convoitent des maisons, ils les ont aussitôt prises, ainsi ils oppriment l'homme et sa maison, l'homme, dis-je, et son héritage. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, voici, je pense contre cette famille-ci un mal duquel vous ne pourrez point vous mettre à couvert, et vous ne marcherez point à tête levée, car ce temps est mauvais. En ce temps-là on fera de vous un proverbe lugubre, et l'on gémira d'un gémissement lamentable, en disant, nous sommes entièrement détruits, il a changé la portion de mon peuple, comment nous l'aurait-il ôté? Partage-t-il nos champs, pour nous les faire rendre? C'est pourquoi il n'y aura personne pour toi, qui jette le cordeau pour ton lot dans la congrégation de l'Éternel. On dit, ne prophétisez point, ils prophétiseront, mais ils ne prophétiseront point pour ceux-ci, l'ignominie ne tournera point en arrière. Ô toi qui es appelé maison de Jacob, l'Esprit de l'Éternel est-il amoindri? Sont ceux-là ses actes? Mes paroles ne sont-elles pas bonnes pour celui qui marche droitement? Mais celui qui était hier mon peuple, s'élève à la manière d'un ennemi, pour rencontrer un manteau, vous dépouillez le vêtement magnifique à ceux qui passent en assurance, étant de retour de la guerre. Vous mettez les femmes de mon peuple hors des maisons où elles prenaient plaisir, vous ôtez pour jamais ma gloire de dessus leurs petits-enfants. Levez-vous, et marchez, car ce pays ne vous est plus un lieu de repos, parce qu'il est souillé, il vous détruira, même d'une prompte destruction. S'il y a quelque homme qui marche selon le vent, et qui ment faussement, en disant, je te prophétiserai du vin et de la cervoise, ce sera le prophète de ce peuple. Mais je t'assemblerai tout entier, ô Jacob, et je ramasserai entièrement le reste d'Israël, et le mettrai tout ensemble comme les brebis de Botsra, comme un troupeau au milieu de son étable, il y aura un grand bruit pour la foule des hommes. Le briseur montera devant eux, on brisera, et on passera outre, et eux sortiront par la porte, et leur roi passera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. Michée chapitre 2. Malheur à ceux qui pensent à faire outrage, qui forgent le mal sur leur lit, et qui l'exécutent dès le point du jour, parce qu'ils ont le pouvoir en main. S'ils convoitent des possessions, ils les ont aussitôt ravies, et s'ils convoitent des maisons, ils les ont aussitôt prises, ainsi ils oppriment l'homme et sa maison, l'homme, dis-je, et son héritage. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, voici, je pense contre cette famille-ci un mal duquel vous ne pourrez point vous mettre à couvert, et vous ne marcherez point à tête levée, car ce temps est mauvais. En ce temps-là on fera de vous un proverbe lugubre, et l'on gémira d'un gémissement lamentable, en disant, nous sommes entièrement détruits, il a changé la portion de mon peuple, comment nous l'aurait-il ôté? Partage-t-il nos champs, pour nous les faire rendre? C'est pourquoi il n'y aura personne pour toi, qui jette le cordeau pour ton lot dans la congrégation de l'Éternel. On dit, ne prophétisez point, ils prophétiseront, mais ils ne prophétiseront point pour ceux-ci, l'ignominie ne tournera point en arrière. Ô toi qui es appelé maison de Jacob, l'Esprit de l'Éternel est-il amoindri? Sont ceux-là ses actes? Mes paroles ne sont-elles pas bonnes pour celui qui marche droitement? Mais celui qui était hier mon peuple, s'élève à la manière d'un ennemi, pour rencontrer un manteau, vous dépouillez le vêtement magnifique à ceux qui passent en assurance, étant de retour de la guerre. Vous mettez les femmes de mon peuple hors des maisons où elles prenaient plaisir, vous ôtez pour jamais ma gloire de dessus leurs petits-enfants. Levez-vous, et marchez, car ce pays ne vous est plus un lieu de repos, parce qu'il est souillé, il vous détruira, même d'une prompte destruction. S'il y a quelque homme qui marche selon le vent, et qui ment faussement, en disant, je te prophétiserai du vin et de la cervoise, ce sera le prophète de ce peuple. Mais je t'assemblerai tout entier, ô Jacob, et je ramasserai entièrement le reste d'Israël, et le mettrai tout ensemble comme les brebis de Botsra, comme un troupeau au milieu de son étable, il y aura un grand bruit pour la foule des hommes. Le briseur montera devant eux, on brisera, et on passera outre, et eux sortiront par la porte, et leur roi passera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête.